En Mauritanie, le général Rezouani salue la maturité politique du peuple. Donné vainqueur du premier tour de la présidentielle, le candidat du pouvoir s'est exprimé hier devant ses partisans et a remercié son équipe de campagne. Alors que l'opposition qui conteste la présidentielle a déposé plusieurs recours, il a affirmé attendre la décision du Conseil constitutionnel. Cette haute instance doit révéler les résultats définitifs de la présidentielle lundi prochain. Sport football pour terminer sur Flash Info. Hier, l'équipe nationale s'est imposée face à la Côte d'Ivoire et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 lors de la deuxième journée du groupe D. Et puis du football avec la deuxième journée des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça se joue en Égypte. Au programme aujourd'hui, trois matchs. Dès 15h30, heure du Maroc, la Mauritanie jouera face à l'Angola. Le Cameroun et le Ghana s'affronteront à 18h. Et puis à 21h, place au Bénin face à la Guinée-Bissau.